Il est 16h, bienvenue à tous sur Fadjet pour tous ceux qui nous rejoignent à 16h sur Fadjet. On est ensemble en live jusqu'à 19h avec de la musique pour ce 21 juin. Des artistes locaux dans les locaux de Fadjet pour des lives. Vous pouvez également venir nous rendre visite pour nous rencontrer ou encore visiter les studios. Rendez-vous au 47 rue Charles III à Nancy. On vous le disait, des concerts en live mais aussi en public. On a un peu de monde ici dans les locaux de Fadjet, on peut vous entendre ? Allez, on espère qu'on sera encore plus nombreux tout à l'heure. Pour profiter, on vous donne la petite programmation. Il y aura le groupe Cré Blanche, également Balek, Bollox and Botox, David, JPM. Et dans un instant, on va démarrer avec Romy. Mais je vais laisser la parole à Pierre. Salut Pierre. Salut Aurélie, ça va ? Ça va et toi ? Ben écoute, ça va super. On est ravis d'être là pour la fête de la musique. Ce 21 juin, évidemment. On fête la musique, on fête l'été, il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. Pour une fête de la musique, c'est génial. C'est rare aussi. Donc, on espère que le temps, la météo va tenir jusqu'à ce soir. Je te laisse nous présenter notre première artiste, celle bien qui sûr, ouvre ouais. le bal de cette fête de la musique. Alors Romy, c'est une chanteuse, auteuse, compositrice, guitariste que j'ai reçue dans Fadjet sur Couleur Locale pour une belle interview et qui a sorti récemment un EP qui s'appelle Layers of Me, les pelures de moi. Ouais c'est toujours difficile à traduire en français. Donc, coup, tu vas nous présenter ton univers. Alors pour teaser un peu les auditeurs, ton univers c'est quoi ? Mon univers au niveau musical, ce serait plutôt dans le pop-rock, on va dire, ouais. avec des petites inspirations d'ici et de là, un petit peu de country des fois. Un petit peu de country, c'est quand même sympa la country, on n'en entend pas souvent. Hein. Là, on va en entendre pendant 30 minutes et sur oui. Fadjet, du live en direct, on vous le rappelle, du 47 rue Charles III, les studios de Fadjet à Nancy. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est en public. Et on y va avec Romy. Merci. She's the best, worst nightmare, puts a filter on everything. The fine line between meaningful and meaningless. Shouldn't care about mistakes, cause you'll be gone anyway. Spend a life struggling and trying to keep friendships. She slowly invades the space we're carrying the weight. Feel the presence closer every day. Crumbling, and spiraling. Am I dead yet? Breathe in, breathe out. Feel her energy spreading out. She's the joy and she's the pain. She's no one if she remains. Come in to haunt the soul. Break it all and shake your bones while feeling the others more than your own. Feel life only to tear us apart, so unfair. But the only reason we're here, based on when we disappear. Might need a change of perspective. Crawling and crumbling and spiraling. What does it keep us from living? Breathe her in, breathe her out. Feel her energy spreading out. She's the joy and she's the pain. She's no one if she remains. Come in to harm the soul. Break it all and shake your bones while feeling the others more than your own. Why do we always have to question it? Something so mysteriously part of living. It's that we cannot help but imagine. And she's harder to accept regardless. We made plans for we'd rather lose than regret. Breathe. She's the joy and she's the pain. She's no one if she remains. Come in to hurt our souls. Break it all and shake our bones while feeling the others more than your own. Merci. Si vous connaissez la prochaine, n'hésitez pas à chanter avec moi. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. What made of you? Please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare. With flaming lungs of auburn air, with auburn skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your skin is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. And I could easily understand how you could easily take my man. But you don't know what he means to me, Jolene. And he talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Hey, Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. What made of you? Please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Please don't take him just because you can. I had to have this talk with you. My happiness depends on you. Whatever you decide to do, Jolene. And you could have your choice of men, but I can never love again, 'cause he's the only one for me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. What made of you? Please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Oh, please don't take him just because you can. Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come on in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, but I'm just tired for with myself and a baby. I can use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. The stages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I am getting nowhere. I'm just living a dump like this. There's something happened somewhere. Baby, I just know there is. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Sit around getting older. There's a joker somewhere and it's on me. I check this world on my shoulders. Come on, baby, the left's on me. Stay in the streets of this town and be calling you up, alright. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just about starving tonight. I'm ready for some action. I'm sincere right here trying to write this book. I need a love reaction. Come on here, baby, give me one look. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's fire. Even if we're just dancing in the dark. Can't start a fire. Worrying about your little world falling apart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Merci de votre participation. Comme Pierre l'a dit tout à l'heure, j'ai sorti un EP il y a quelques mois de ça. Et je vais maintenant vous jouer la toute première chanson de cet EP qui s'appelle Me End. Et ça parle du fait de s'aimer soi-même et d'apprécier sa propre compagnie. Let's go. It started out when I realized that I only got me for the rest of my life. And if I live for myself, I'll never end up regretting all of the things that I've ever done. Cause if I die tonight, it'll be fine, it'll be fine. I get overwhelmed by people around and still they're making me feel like an antisocial. What would I give in to spend a lazy night in? Just hang out with me and my thoughts breaking. And if I live tonight, don't hold me back, don't hold me back. Loneliness, if you don't deal with your mess, when you can't stand yourself. Yes, I'm anxious, but I'll be fine as long as I got me figured out. So don't pity me when I'm all alone. Don't blame me if I stay home. Better try it on your own. My circle's so tight, cause my friends know I need my time alone when we've been hanging out, preoccupied by my reflection in other eyes. Now I invest all of my free time building my future self and make sure that I never feel out of place in my own mind. What if I need take that time. It ain't a crime, it ain't a crime. Loneliness, if you don't deal with your mess, when you can turn yourself. Yes, I'm anxious, but I'll be fine as long as I got me figured out. So don't pity me when I'm all alone. Don't blame it if I stay home. Better try it on your own. Ain't just how good it feels to reconnect with myself. Ain't just how good it feels to reconnect with myself. What if I dig in your own life? I'm sure you won't stay there a while, even after all this time. Loneliness, if you don't deal with your mess, when you can stand yourself. Yes, I'm anxious, but I'll be fine as long as I got me for life. Don't pity me when I'm all alone. Don't blame it if I stay home. Better try it on your own. Merci beaucoup. On va être un petit peu plus doux. Vous la connaissez peut-être, celle-là aussi. Voilà. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I fall in. And in the good times, I find myself longing for a change. And in the bad times, I fear myself. Tell me something more. Are you tired? Are you tired and try to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I fall in. And in the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm on the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crush all the surface when they can't hold us. We're far from the shallow now. In the shallow. In the shallow. Shallow, Merci. On va passer un petit peu de français. Ce sera pas mal, non? J'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner et voir aucun film en entier, ça va de soi, avant la vie partagée. Taillaté, percé par le rond de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay, voir leur corps se serrer, voir leur corps se vider et saigner, ou saigner. Hey, un jour j'irai là-bas. Un jour quoi? Un jour. Voir si le cœur de la ville bat en moi. Et tu m'emmèneras. Emmène-moi. Un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois, et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs ont parfois la couleur des sons que tu bois. Et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi. Chez toi, chez nous quoi. Un jour, j'irai là-bas. Un jour, chat, un autre rat. Voir si le cœur de la ville bat en moi. Et tu m'emmèneras, emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Hey, toucher à ci, toucher à ça. Si le cœur de la ville bat en moi, et tu m'emmèneras, emmène-moi. On va passer, enfin, je vais passer à la guitare pour un petit moment acoustique. C'est aussi une de mes chansons qui s'appelle Outside. La fête de la musique avec Fadjet. Picking up the falling jars. the ones on stone sing with art. I metaphorically affects people in my mind, and it's funny and aromatic how I always need a fix. Everything before me is a reflection of what I feel life expects of me. My savior complex, my burden, my faith. Focusing on others so it doesn't have to be about me. Acting as a temporary bandage, thinking of to keep me through the day. Anything but talk about my own. But how long before I reach a crossroad? So I'm picking up and picking up the falling jars. The ones on stone sing with yards. I metaphorically fix people in my mind, and it's funny and aromatic how I always need a fix. Everything before me as a reflection of what I feel life expects of me. My savior complex, my burden, my faith. Picking up the broken pieces of my heart, all alone in the middle of a crowd of people that are not even around anymore. Merci. La fête de la musique sur Fadjet jusqu'à 20h en public au 47 rue Charles III à Nancy et en direct sur 94.2 FM et Fadjet.net. On va faire la numéro 9, s'il te plaît. J'en ai assez d'entendre à la radio les mêmes sons et les mêmes tempos. Il faudrait que la musique s'affole, tout comme au bon vieux temps du rock and roll. J'ai une indigestion de disco et tous ces crooners qui me tapent sur les nerfs. Et le rétro, j'en ai vraiment à le bol. Je préfère le bon temps du rock and roll. Je préfère le bon temps du rock and roll. C'est la seule musique qui soit folle. Depuis toujours entre nous deux ça colle. Depuis le bon vieux temps du rock and roll. Et je suis allergique au tango. Et je m'ennuie à mourir avec le slow. Moi j'aime la musique quand elle roule les épaules, tout comme au bon vieux temps du rock and roll. Pour une fois je suis resté fidèle, plus longtemps que pour la fille la plus belle. Le feeling ne s'apprend pas dans les écoles. Où est le bon vieux temps du rock and roll? Oh, c'est le moment de danser. Je préfère le bon temps du rock and roll. C'est la seule musique qui soit folle. Depuis toujours entre nous deux ça colle. Depuis le bon vieux temps du rock and roll. Na na na na na na na na. Je préfère le bon temps du rock and roll. C'est la